3-5. Activation, oral comprehension. 4 types of questions. You will hear a series of questions. Choose the best answer among the 4 possibilities and check the corresponding box. 1. Qu'est-ce que nous allons inventer? 2. Qui est-ce qui va inventer une histoire? 3. Pourquoi est-ce que nous allons inventer une histoire? 4. Est-ce que ça va être un jeu? 5. Qu'est-ce que le professeur va proposer? 6. Qui est-ce qui va discuter l'histoire? 7. Pourquoi est-ce que nous allons discuter l'histoire? 8. Est-ce que les jeunes gens vont avoir des amis? 9. Mais qui est-ce qui va choisir les amis? 10. Est-ce que le jeu va être amusant?